blessés à regarder voler ce jouet. Il me dit, mon enfant, d'en haut j'aperçois les gens. Ça me fait peur, ça n'est pas très beau. Heureusement, je fais le plus gros. D'en haut, j'aperçois 100 000 hommes. D'en haut, j'aperçois 10 hommes. Ces 10 hommes, on les soignera. 100 000 fous, ça n'existe pas. J'aperçois la guerre qui s'installe partout sur terre. Elle mange de la viande à tous les repas. Les deux camps, eux, sont dans le bon droit. D'en haut, je vois ceux qui ont faim d'amour, d'amitié ou de pain. D'en haut, je vois ceux qui sont sourds aux voix qui pleurent et l'amour. On salit le bleu du ciel avec des champignons mortels. Les autres planètes sont-elles habitées?